George Sand. Il a hérité de maman une grande curiosité. Dessinateur, créateur de marionnettes, entomologiste, une vie passionnante et riche que France Bleu Berry vous raconte durant tout l'été, du lundi au vendredi à 9h15, en partenariat avec l'association des amis de George Sand, Maurice Sand, fils de. Ne manquez pas cette série. Rendez-vous demain matin à 9h15 sur France Bleu Berry. Chaque soir de l'été, les plus grands hits de la chanson française sont sur France Bleu. Si j'existe, j'existe. France Bleu Blanc Hit. La meilleure musique en français dans le texte. J'ai presque plus ma tête à moi. France Bleu Blanc Hit. Tous les soirs, tout l'été sur France Bleu, 20h-22h. France Bleu. Le département de l'Indre et le Festival d'Arc vous invitent à 8 concerts gratuits près de chez vous. Un programme éclectique à retrouver du 9 au 16 août dans 8 communes indriennes. D'Arc au pays avec le département de l'Indre. C'est le bordel, c'est la vie. Et demain soir, jeudi 10 à 18h30 à Valfouzon, avec une touche d'optimisme. La vie est si belle, joyeux fêtard, j'aime ce bordel. France Bleu. France Bleu Berry, le son, l'ambiance de vos vacances. 17h45 sur France Bleu Berry. Nick Waterhouse est un chanteur américain de jazz, de blues, de soul. Il s'associe au groupe électro-français Offenbach et c'est catchy. France Bleu Berry, Nick Waterhouse et puis le duo Offenbach, hein, Dorian et César. Leur seule date en France en 2023, ce sera le 28 octobre au Zénith de Paris. Et à 17h48, bienvenue Place Voltaire à Châteauroux pour le Festival d'Arc. France Bleu Berry est en direct du Festival d'Arc pour vous faire vivre un petit peu l'ambiance. Alors ça a débuté lundi pour les stagiaires de danse et puis pour les concerts, et bien ça débute ce soir. C'est Kenji Girac qui va ouvrir le bal avec en première partie la chanteuse lyonnaise Aurène. Éric Bellet, vous êtes directeur du Festival d'Arc. Depuis lundi, vous êtes un petit peu partout au four et au moulin. Oui, parce qu'on a eu une semaine précédente la manifestation un peu difficile. Il faut savoir qu'il y a eu des vents de 80 km/h. On faisait des choses, le vent, la nuit nous les balayait, fallait remettre le banderoling, j'ai eu des équipes qui ont bien travaillé franchement, mais qui étaient un petit peu fatiguées. Moi-même, j'ai dû dormir sur le lieu du stage parce que ces vents de 80 km/h commençaient à nous inquiéter sérieusement. Donc c'est comme ça, mais maintenant... Ça s'est calmé à temps. Oui, ça s'est calmé, mais maintenant ça devient un argument d'Arc. Commence, le soleil revient. Ouais, c'est ça, effectivement. On a parlé de Darc au pays également, hein, puisque vous faites venir des concerts dans les communes du Berry. Autre chose dont il faut parler, puisque le Berry, c'est quand même une terre où on aime bien manger, où on aime bien boire. Il y a la cuvée Darc chaque année, donc la cuvée Darc 2023. Alors déjà, comment vous la concevez, cette cuvée? Eh bien, il y a quelques semaines, au restaurant L'Escale, les viticulteurs nous ont proposé leurs vins, les vins de Reuilly, les vins de Valençay, et les partenaires du stage festival, ainsi que la presse, ont dégusté et ont déterminé les différents vins qui seront la cuvée d'Arc 2023. Et ces vins seront dégustés tous les jours dans les loges du festival. Les artistes repartiront avec la cuvée d'Arc. Les professeurs repartiront avec la cuvée d'Arc. On estime que tout ça, ça fait partie de la culture, tout simplement, et qu'il est important, par le biais du stage festival, de faire connaître ces vins merveilleux. Et puis, ces viticulteurs de Reuilly, de Valençay, sont des gens que j'adore. Est-ce que tout un chacun peut se procurer cette cuvée d'Arc? Oui, bonne question, parce que en effet, l'office de tourisme de Châteauroux vend en ce moment les vins de Reuilly de Valençay et donc la cuvée d'Arc 2023. Éric Bellet, donc on a parlé du stage de danse, on a parlé des concerts avec des premières parties, ça vous y tenez absolument, hein, avant chaque vedette, entre guillemets, il y a forcément une première partie. Mais il y a aussi un before à Châteauroux, et ça c'est avec les restaurateurs cafetiers. Oui, il y a un before. Ce before a été créé il y a de longues années. En fait, pas très loin, cours Saint-Luc, la personne qui tenait un bar dans cette rue, on espérait retenir de 19h à 20h les personnes qui commençaient à venir vers le festival. Ensuite, ce before s'est déplacé vers la place Monessier. Il y a un restaurateur qui s'appelle Christophe Duteau, qui est malheureusement décédé. Et j'ai rendu, avec les restaurateurs de la place Monessier, hommage à cet homme. Il a donné un coup de fouet au before d'Arc. Et hier soir, c'était la première date du before. Oui. Et on lui a tous rendu hommage. Là, cette année, c'est Florian Soidé, qui est du Café des Halles, qui tient un peu le truc. Voilà. Et il a su fédérer l'ensemble des bars de la place Monessier. C'est une belle place, c'est une belle réalisation, cette place Monessier. Et je pense que c'est plein à craquer. Les conditions atmosphériques sont idéales. Le but, c'est 18h, 20h30, place Monessier, et on vient tranquille. Place Voltaire. Voilà. Mais il y a un chemin tout tracé, effectivement, Éric Bellet. Là, à 17h52, c'est bon, tout est prêt pour le premier concert là, qui va ouvrir le bal du Festival. On l'entend, d'art. Les premières balances du groupe Aurène, la balance du groupe de Kenji a pratiquement été terminée. Donc, a priori, l'équipe technique est prête. Donc, à 19h, on va ouvrir les portes de nos partenaires. Donc, oui, tout est prêt. Super. Merci, Éric Bellet, d'avoir été avec nous sur France Bleu Berry. Et puis, bon festival. Merci beaucoup. Au revoir. Et à 17h53 sur France Bleu Berry, on ne vous oublie pas, chers auditeurs, puisque nous allons jouer ensemble au jeu de la paillote. Ce jeu, vous le connaissez, c'est la plage de France Bleu Berry où il fait beau en ce moment. On a 30 paillotes sur cette plage, 30 paillotes numérotées de 1 à 30. Vous en choisissez une et derrière, il y a forcément un cadeau qu'on découvre ensemble. Pour cela, il faut appeler tout de suite le 02 54 27 36 36. C'est Sandrine qui vous accueille cet après-midi. 02 54 27 36 36. Bonne chance, à tout de suite. Vita sur France Bleu Berry, les choses qu'on fait, extrait de son album Charlotte qui sortira le 6 octobre prochain. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous habitez à Bouesse? Oui. Bon, vous êtes avec nous depuis 17h? Oui, c'est ma chance. Bon, et puis vous savez qu'on est en direct du Festival d'Arc à Châteauroux, où il y aura Kenji Girac qui chantera tout à l'heure sur la scène de la place Voltaire. Vous souhaitez jouer avec nous, vous êtes sur la plage, vous avez bien raison, détendez-vous, il y a 30 paillotes devant vous, Nathalie, numérotées de 1 à 30, et je vais vous demander de choisir un numéro. Le 14. Le 14, il y a une raison? C'est la combinaison des deux dates d'anniversaire de mes enfants. D'accord, eh bien écoutez, on y va, on ouvre la paillote 14. Vous aimez l'aventure, Nathalie? Oui. Vous êtes habillée, maquillée? Non, pas maquillée. Va falloir faire très vite, puisque France Bleu Berry vous offre deux places pour le concert de Kenji Girac qui a lieu ce soir. D'accord. Donc voilà, vous avez une heure pour venir à France Bleu Berry dans les studios pour retirer vos deux places, Nathalie. D'accord, très bien. Merci. Vous avez jusqu'à 19h pour aller retirer vos places. D'accord. Voilà. Et puis vous pourrez applaudir Kenji et danser avec lui. D'accord, merci beaucoup. On vous embrasse très fort, Nathalie. Au revoir. Au revoir. À suivre après les infos, on parle du Festival d'Arc. Le Festival d'Arc, c'est de la danse. On va parler danse contemporaine avec Mourad Bouayad, qui est professeur, et également Vic, une stagiaire. On va voir si elle a souffert aujourd'hui. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. En direct du stage de Darc avec le département de l'Indre, partenaire historique du stage festival Darc. France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez Elsa Fayer, Jordan Mouirak, Brahim Asloum, Théoura Théoui, Fred Musa, Yasmine Ouglis. Fort Boyard, nouvelle saison, présentée par Olivier Mine, samedi à 21h10 sur France 2, avec France Bleu. France Bleu Berry, connecté à votre région, la radio de l'Indre et du Cher. Ici, c'est France Bleu Berry. Bel après-midi sur France Bleu Berry avec un grand soleil, 24 à 27 degrés. Il est 18h, les infos, Arthur Fradin. Bonsoir à tous. 11 corps retrouvés dans les décombres du gîte qui a pris feu ce matin à Winsenheim dans le Haut-Rhin. Dernier bilan pour cet incendie qui s'est déclaré aux aurores dès 6h30 du matin dans ce gîte privé loué par des associations qui s'occupent de personnes adultes handicapées. 17 personnes ont pu être secourues et 11 autres sont donc décédées, Margot Steve. Oui, un feu qui a vraisemblablement pris au premier étage du bâtiment et qui a couvé plusieurs heures avant d'embraser la structure de ce gîte traditionnel, principalement composé de bois. Les pompiers sont arrivés vers 6h45, 14 minutes après avoir été alertés. À ce moment-là, 17 personnes ont déjà pu s'échapper, principalement celles qui dormaient au rez-de-chaussée. 11 autres, en revanche, ont été piégées par les flammes à l'étage. Toutes sont décédées. La priorité, c'est désormais d'identifier formellement ces victimes. Les corps vont être scannés dans la soirée, des analyses ADN réalisées. L'enquête doit maintenant déterminer l'origine de l'incendie, savoir également si le bâtiment était suffisamment sécurisé, si les lieux, par exemple, pouvait accueillir autant de personnes, si des issues de secours étaient accessibles ou si une alarme incendie était installée. L'enquête est pour l'instant ouverte en recherche des causes de la mort. Si des erreurs ont été commises, des poursuites pour homicide involontaire pourront être envisagées. Les précisions de Margot Steve pour France Bleu. Chez nous, les pompiers du Cher et de l'Indre, partis en renfort dans le sud de la France ces derniers jours, sont de retour. Certains d'entre eux se sont même engagés au Canada mi-juillet pour lutter contre les méga-feux. Parmi eux, le capitaine Thomas Corbin, référent départemental feu de forêt dans le Cher. Il a fait partie du dernier relais, 124 hommes partis le 19 juillet. C'était vraiment l'occasion de pouvoir découvrir de nouvelles techniques, de pouvoir découvrir ces fameux méga-feux dont on parle partout. J'ai été affecté dès le début de la mission en tant qu'officier de liaison au centre provincial de lutte à Québec. C'est un peu le centre de crise de la province de Québec. J'étais là en tant qu'officier de liaison sur ce site pour justement faire la relation entre les autorités françaises qui étaient sur le terrain et les autorités québécoises. Dans la stratégie de lutte des feux de forêt au Canada, ils ne travaillent pas directement avec des véhicules de lutte comme les nôtres. Ils n'ont pas de camions avec de l'eau parce que, d'une part, les distances sont tellement grandes que ce serait impossible de faire les trajets en camion. À titre d'exemple, le feu sur lequel nous avons été engagés, le troisième détachement a été engagé, était à 1500 km. De la ville de Québec. Donc en fait, soit ils transitent en pick-up, qui permet de transporter les motopompes et les tuyaux, à savoir que le Canada, c'est un pays qui est couvert de lacs et de points d'eau. Donc avec, ils ont la possibilité de pouvoir pomper l'eau directement sur le chantier pour pouvoir arroser les points chauds. La deuxième manière de travailler, c'est également l'héliportage. Le capitaine Thomas Corbier des pompiers du Cher qui répondait aux questions de Gaël Fontenay à interview à retrouver en longueur sur notre site francebleu.fr. Après ce gros excès de vitesse lundi du côté de Nierne, avec 162 km/h retenus sur une portion limitée à 70, un conducteur de nouveau contrôlé très au-dessus des limites autorisées dans l'Indre. Ça s'est passé ce matin sur la rocade au niveau de Déol. L'automobiliste a été pincé en train de circuler à 130 au lieu de 90. Le permis de conduire de cet homme de 45 ans fait l'objet d'une mesure de rétention. À Châteauroux, cette fois, une conductrice a percuté par l'arrière un scooter de La Poste ce matin, route de Tours. Deux sons de cloche chez les principaux protagonistes. La conductrice de la voiture qui roulait en direction de Varennes explique que le scooter s'est déporté devant elle. La conductrice du scooter affirme, elle, avoir mis son clignotant. Cette femme de 29 ans souffre de plaies au visage et a été transportée à l'hôpital. Sur la route, attention, d'ailleurs, si vous prévoyez de partir en vacances ce vendredi, Bison Futé voit orange dans le sens des départs et sur l'ensemble du territoire. Ça sera également du orange dans le sens des retours, voire du rouge sur le pourtour méditerranéen. En basket, ça y est, elles sont fixées en Eurocoupe cette saison. Les filles de Bourges affronteront les Tchèques de Brno, les Luxembourgeoises de Greggenwald et une équipe portugaise ou turque qui doivent encore disputer un match de qualification. Pour rappel, le Bourges Basket et l'Eurocoupe, c'est une histoire qui marche bien. Deux participations, deux victoires, c'était en 2016 et en 2022. Et puis en football, premier match officiel de la saison pour les Marseillais. L'OM défie le club grec du Panathinaikos ce soir à 20h, match comptant pour le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Pendant ce temps-là, les filles de l'équipe de France font un carton à la télé, plus de 5 millions de téléspectateurs pour le huitième de finale du Mondial féminin face au Maroc hier. Les Bleus défieront samedi matin l'Australie, pays hôte, pour une place dans le dernier carré. En attendant, samedi, ce soir, c'est le lancement de la 48e édition du Festival d'Arc à Châteauroux. Et ça commence en fanfare avec la venue du chanteur Kenji Girac, début du concert à 20h45 ce soir. Sandrine Duval, on vous retrouve sur place en direct jusqu'à 19h pour France Bleu Berry. Et vous avez le soleil de votre côté. Oui, oui, oui. Alors, comme le disait Eric Bellet tout à l'heure, directeur du Festival d'Arc, il a dit quand Arc commence, il y a le soleil qui arrive. Et c'est vrai, il a raison. Un beau temps sec et ensoleillé, le soleil brille. On va chercher vraiment les nuages aujourd'hui. Il fait à 24 à 27 degrés cet après-midi, 24 degrés à Aigurande, à Aubigny-sur-Nère, 25 degrés à Valençay, à Vierzon, à Saint-Florent-sur-Cher, 26 degrés à Bourges, à Châteauroux, à Aiguzon, 27 degrés à Issoudun, au Blanc, à Saint-Amand-Montrond. La nuit prochaine sera claire dans le Cher, plus nuageuse dans l'Indre, sous 14 à 18 degrés. Demain, quelques averses possibles dans la matinée, il fera 19 degrés de moyenne le matin, et on gagnera encore quelques degrés dans l'après-midi, 27 à 31 degrés pour les maximales. Belle soirée, Arthur. Belle soirée à vous. Le Festival d'Arc, France Bleu Berry. Sandrine Duval. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Bleu Berry. Nous sommes effectivement en direct du Festival d'Arc. D'Arc, stage international de danse, concert, place Voltaire, où nous nous trouvons pour vous faire vivre la 48e édition de ce festival qui fait converger des centaines de stagiaires du monde entier vers Châteauroux. Plus de 600 stagiaires cette année, 35 professeurs chorégraphes, 13 jours pour découvrir une vingtaine de disciplines différentes avant de présenter un spectacle commun sur scène le 19 août. Cette scène, place Voltaire, qui verra passer de nombreux artistes nationaux et internationaux chaque soir jusqu'au 18 août. Ça commence ce soir avec Kenji Girac et la chanteuse et musicienne Aurène en première partie. Il y aura aussi les Franglaises, Maxime Le Forestier, Franz Ferdinand. Et puis pour notre soirée France Bleu, le 15 août, Celle Lassou et le Festival d'Arc. Hein, vous l'avez compris, c'est avant tout un stage de danse. On parlera danse contemporaine avec Mourad Bouayad et puis une de ses stagiaires, Vic, elle nous dira si elle a souffert depuis lundi. Attention, il reste encore plusieurs jours de stage, Vic. On en parlera juste après. Allez, on va faire la fête d'ailleurs. Vous êtes prête, Vic, pour de la danse encore? À fond. Bon, eh bien, ça va être Samba de Janeiro Bellini sur France Bleu Berry. Bel après-midi. Samba! Salut Aurèle. Samba de Janeiro, c'était le groupe allemand Bellini sur France Bleu Berry. 18h10 sur France Bleu Berry, nous sommes en direct de la Place Voltaire à Châteauroux. Et pourquoi Place Voltaire et qu'est-ce qui s'y passe? Et bien sûr le Festival d'Arc qui a débuté lundi pour les stagiaires du stage international d'Arc. À mes côtés, Vic. Bonjour Vic. Bonjour. Vous êtes stagiaire justement. Tout à fait. Vous êtes arrivé lundi ou peut-être avant? Lundi, exactement. Lundi, donc hop, direct dans le bain. Direct. Et puis Mourad Bouayad, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous enseignant, professeur durant ce stage? Professeur, vous enseignez la danse contemporaine sur ce stage. On va faire connaissance avec vous, Mourad. On parlait d'histoire de famille avec Eric Bellet, le directeur du Festival d'Arc, hein, où il y a des stagiaires qui viennent en famille, mais il y a aussi des professeurs qui viennent en famille. Tout à fait. Alors c'est vrai que moi j'ai été amené dans stage dès les années 90, le début des années 90, très peu de temps après ma naissance, par ma mère Martine Armel qui a enseigné jusqu'à l'année dernière. Et je l'ai suivi, voilà, j'étais dans ses jupons jusqu'à maintenant devenir professeur il y a maintenant 5 ans, en 2018. Ouais. Et c'est vrai que là c'est la première année où elle enseigne pas et c'est quelque chose. D'accord, donc vous avez pris la relève avec joie et plaisir. Évidemment, évidemment avec passion, et c'est un lieu où j'ai grandi, où j'ai découvert la danse moi-même, donc c'est magnifique pour moi de rendre ça aux stagiaires aujourd'hui. D'accord, alors la danse c'était une évidence dès le départ de faire ce métier-là ou pas? Absolument pas, parce que quand on a nos parents qui font quelque chose, on a envie de se distinguer un petit peu. Ouais. Et pour moi, ça a été, c'était plutôt quelque chose de l'ordre de la passion ou de l'ordre de quelque chose qui était assez naturel pour moi. C'était comme un langage qui s'exprimait chez moi depuis l'enfance, donc. Mais j'en avais pas voulu faire mon métier avant assez tard. Et c'est tardivement que je me suis réveillé au milieu de mes études de médecine et que je me suis dit il faut que je retourne à ça qui me passionne, me fait vivre et me fait vibrer. Ah oui, donc assez tardivement, effectivement. Oui, l'âge de 23 ans, ouais. J'ai décidé de devenir professionnel. Ouais, donc ce qui est relativement tard pour une carrière de danseur. C'est ça, mais vous dansiez quand même avant. Je dansais le hip-hop principalement et j'ai découvert vraiment la danse contemporaine sur le tard. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire une carrière relativement fulgurante qui m'a emmené assez loin. Ouais. Alors qu'est-ce qui caractérise la danse contemporaine? Alors c'est vraiment une question très piège. La danse contemporaine, c'est la danse d'aujourd'hui pour moi en tout cas. Si je dois donner ma définition, c'est la danse. C'est une danse qui est libre d'esthétique, qui est en même temps se repose sur une identité très forte de la danse moderne des années qui a commencé dans les années 70 aux États-Unis notamment, et des danses allemandes, etc., expressionnistes qui sont venues plus tard. Ça a pris tellement de forme aujourd'hui entre des chorégraphes comme le collectif de la Horde au Ballet de Marseille ou encore Mehdi Kerkouche aujourd'hui. Donc la danse contemporaine, c'est quelque chose de très large qui laisse beaucoup de place et à l'interprétation et à la liberté de chacun d'exprimer son mouvement à sa manière. Ouais, est-ce qu'on peut débuter par la danse contemporaine quand on est enfant? Moi je pense que alors ça peut être compliqué en termes d'approche, parfois ça peut être impressionnant, justement ce niveau de liberté peut-être, ça peut être déstabilisant, ouais. Pas forcément exprimé dès le début, mais déjà juste cette liberté. Mais moi j'ai découvert avec par exemple Larry Erickson, qui est professeur aussi dans ce stage, assez jeune, à l'âge de 12 ans. Et ça m'a touché, c'est aussi, ça dépend de chacun. On peut avoir une excitation pour quelque chose de très abstrait ou de très sensible. Donc ça peut être une porte d'entrée aussi, qui est moins directement impliquée dans un mouvement, une chorégraphie immédiatement en tout cas. D'accord. Vic, vous êtes stagiaire, donc vous êtes arrivé lundi. La danse pour vous, c'est une passion? Oui, c'est une passion, c'est ce qui permet de se réveiller de bonne humeur. C'est aussi une activité du quotidien, parce que parfois, juste en bougeant, on danse, mais on s'en rend pas compte. Et donc, ça met de bonne humeur. Vous avez fait de la danse depuis toute jeune? Oui, j'ai fait du classique, puis j'ai fait du hip-hop et puis de la dancehall. D'accord, et donc là, vous avez suivi les cours de Mourad en danse contemporaine? Oui, c'est ça. Vous avez découvert la danse contemporaine? Non, j'avais déjà testé avec d'autres profs, mais j'ai découvert la danse contemporaine de Mourad. Parce que comme il a dit, chacun apporte esthétique. Ouais, et puis il y a une pédagogie aussi qui fait que chaque prof de danse contemporaine aura sa propre manière de l'exprimer. Combien de personnes au cours de Mourad aujourd'hui? Beaucoup. Un peu trop. Un peu trop. Pour l'espace qu'on a pour le moment. Mais ouais, c'est ça. On est très heureux d'avoir c'est bien, voilà, un public succès. Au rendez-vous. Bah oui, c'est vraiment c'est très agréable. Et... Vic, donc le principe du stage, c'est aussi que les stagiaires découvrent plusieurs disciplines. Oui. Donc là, vous avez découvert la danse contemporaine avec Mourad Bouayad. Quels autres cours allez-vous suivre ? Alors, je suis de la percussion, ouais. Le djembé, parce qu'il y a aussi de la musique, du théâtre et du chant, etc. Et puis, ce que je fais comme danse, c'est Raga Jam, qui est une sorte de dancehall qui se danse sur du reggaeton et hip-hop. Et j'ai suivi flamenco aussi. Ah, très intéressant, effectivement. Alors pour une rappeuse, c'est effectivement un grand écart. On peut parler de grand écart, on parle de danse, ouais. Puisque vous faites du rap aussi. Oui, MC Vic, avec un K. Allez hop, ça y est, c'est passé. Sur toutes les plateformes. Parfait, le name dropping est fait. Voilà, exactement. Mourad, on a dit que vous êtes donc professeur de danse, mais vous êtes aussi comédien. Vous allez vous lancer dans la comédie. Oui, alors j'ai déjà tourné dans mon premier long métrage en décembre avec le réalisateur Hakim Bellabès au Maroc, qui est un réalisateur passionnant, d'un travail très... cinéma d'auteur, voilà. D'accord. Qui, voilà, un travail très particulier. C'est une expérience passionnante et je suis depuis cette période représenté par Ariel Leva chez UBBA. Et donc, parfait. Et on commence à rentrer dans de plus en plus de projets. Et c'est vraiment une nouvelle porte pour moi qui s'ouvre et c'est absolument passionnant. Bon, bah écoutez, les auditeurs ont pu entendre votre voix. Ils verront bientôt votre visage, Mourad Bouayad. Merci à vous. Merci à vous, Vic. Et bon courage encore pour ce stage. Mais bon, c'est du plaisir aussi. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir. Vous allez partir en vacances ou alors vous en revenez dépité car Titine a un peu trop consommé. 150€ pour faire le plein d'essence, c'est un sacré coup de pouce que vous offre France Bleu cette semaine. Pour jouer, rien de plus simple, vous jouez avec nous à nos différents jeux jusqu'à dimanche inclus et rendez-vous pour le tirage le lundi 14 août à 14h50 sur France Bleu. Bonne chance. Ma France sur France Bleu, même en été. Bonjour. Robin Bernot. Ce jeudi midi, Ma France l'été, la grande tournée estivale des stations locales de France Bleu pose son sac à dos à Châteauroux. Depuis France Bleu Berry, on va redécouvrir ensemble les départements de l'Indre et du Cher. On évoquera entre autres le bicentenaire de la naissance de Maurice Sand. Rendez-vous dès midi en direct et toute la journée en podcast. Ma France l'été, le Tour de France des radios France Bleu, demain dès midi. Cool, les vacances. Première fois que je pars avec ma propre bagnole. C'est la liberté, sauf pour ma sécurité et bien sûr celle des autres. Alors si je vois un véhicule stationné sur la bande d'arrêt d'urgence, je ralentis, mets mon clignotant, m'assure qu'il n'y a aucune voiture pour me décaler et ainsi laisse un corridor de sécurité. Véhicule à l'arrêt, je change de voie et sauve des vies. La Direction interdépartementale des routes Centre-Ouest vous remercie de respecter les règles de sécurité et vous souhaite bonne route. Bonnes vacances avec France Bleu Berry. Il sera en tournée, il est en tournée dès 20 ans, ça passera par le Zénith de Limoges le 10 décembre. M. Pokora, parce que c'est toi sur France Bleu Berry. Bel après-midi avec nous. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Parce t'es dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand je t'ai cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas, non j'oublie jamais. Je peux pas douter, dès que je t'ai vu, j'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdu, mais t'as su changer la donne. Partout où je vais, je sens ta présence, j'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, c'est que tout ce qui me reste, la vie en vaut la peine. Juste parce que c'est toi. Parce que c'est toi, le romantique alsacien Mpokora sur France Bleu Berry. 18h21, nous sommes en direct de la place Voltaire à Châteauroux pour le festival d'Arc. Avec, bien sûr, ça a commencé lundi hein, pour l'accueil des stagiaires pour la danse avec plusieurs disciplines, une vingtaine, 35 professeurs et puis plus de 600 stagiaires. Et puis les concerts qui vont débuter ce soir avec à 20h45, Aurène, bonjour. Bonjour. Alors, vous serez sur la scène du Festival d'Arc, place Voltaire à Châteauroux, hein, dans quelques heures à peine. Vous avez fait votre balance, donc tout est prêt. Vous serez en première partie du chanteur aux plus de 5 millions d'albums vendus, Kenji Girac. Ce n'est pas votre première partie? Non, c'est pas ma première partie. C'est vrai que j'ai eu cette chance d'ouvrir pour plein d'artistes qui m'ont prêté leur public, et c'est souvent grâce à ça aussi qu'on se fait après son propre public. Exactement. Aurène, c'est votre vrai prénom, c'est un nom de scène? Non, c'est un nom de scène, c'est Aurélie, mon vrai prénom. D'accord. Alors comment on choisit justement un nom de scène? C'est la musicalité du nom? Oui, la musicalité compte beaucoup, et puis moi je tenais beaucoup au début de mon prénom qui était Or, et de garder que Or, je trouvais ça un tout petit peu court, donc j'ai cherché et je suis tombée sur Aurène et ça m'a plu. Aurène, vous avez commencé votre carrière il y a 10 ans. Oui. Premier album J'ose en 2013, et on écoute un extrait. Échapper belle avec toi, tu me feras la courte échelle, on sera des hors la loi, une jolie parenthèse avec toi, on filera à l'anglaise, on se cachera dans les bois. De votre deuxième album Numéro, il y avait L'échappée belle avant hein, qui vous a fait connaître au public. Alors ce qu'il faut dire, Aurène, c'est que vous avez un pouvoir, celui de réaliser vos rêves. Vous imaginez des choses et ça arrive. Racontez-nous comment c'est constitué ce deuxième album. Eh bien, je suis allée voir donc ce groupe Calexico, qui est un groupe qui m'a vraiment bercée pendant quand je suis devenue adulte, quoi, voilà. Et ils passaient à Lyon, et je suis allée les voir en concert. À la fin du concert, je leur ai laissé mes maquettes, et ils m'ont rappelé. Et 6 mois après, je suis partie à Tucson, en Arizona, enregistrer avec eux. Oui, c'est fou. Une aventure extraordinaire, vraiment. Et quelles sont vous parlez de Calexico, mais quelles sont vos influences musicales? Alors elles sont diverses. Les premières, c'est vraiment la chanson française. C'est-à-dire que j'ai été bercée par Véronique Sanson, France Gall, Michel Berger, Maxime Le Forestier, Souchon. Enfin voilà, ça fait vraiment partie de mon ADN. Et puis ensuite, je me suis construite avec mes propres goûts. Donc d'abord la folk music, Johnny Cash, et puis les Pink Floyd. Enfin tout ce qui venait plus plutôt des États-Unis. Et puis ensuite, voilà, l'électronique est un peu venue parce que moi, je suis pianiste au départ, ouais. Et j'ai eu envie vraiment de détourner le piano de ma grand-mère avec des sons de synthé. Donc, je me suis ensuite intéressée un peu plus à la musique électronique. J'ai beaucoup écouté les Daft Punk et puis même la musique urbaine, Oxmo Puccino, etc. Et voilà. Alors oui, vous l'avez dit, une mamie prof de musique, maman plutôt rock, papa plutôt variété, donc voilà, il y avait de quoi faire une bonne musicienne, une bonne chanteuse. C'est ça. Est-ce que vous avez quand même envisagé à un moment donné, un dixième de seconde, de faire un autre métier? Mais oui, parce que en fait, personne n'était musicien de manière professionnelle dans ma famille. Donc moi, j'étais bonne élève, alors j'ai fait des études, des grandes études, et puis à un moment donné, c'était trop fort et j'ai tout plaqué pour tenter le grand saut. Alors, vous êtes au Festival d'Arc, c'est pas la première fois? Non, parce que c'est une grande histoire d'amour avec le Festival d'Arc. Eric est un des tout premiers où j'étais tellement jeune, j'avais pas de disque à m'avoir offert la scène. Donc, ouais, je suis ravie d'être là. Donc là, vous avez dit oui, une nouvelle fois, oui, à Eric Bellay pour le Festival d'Arc. Festival d'Arc, c'est de la danse. Quel est votre niveau de danse? Ah, j'adore danser. En fait, moi, j'étais gymnaste au départ et la danse est venue plus tard. Et là, ça fait 3 ans que je danse très régulièrement de la danse contemporaine et ça m'a vraiment libéré le corps et ça m'a du coup libéré sur la scène aussi. Ouais. Donc la danse, j'adore. Et d'ailleurs, j'avais prévu de venir faire le stage cette année. D'accord. Oui. Allez, il a fallu choisir. Et il a fallu choisir surtout parce que je pars au Québec demain. Donc voilà. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. Donc de toute façon, le stage, c'était foutu pour cette année. Voilà, donc l'année prochaine. Voilà, exactement. 2024. En plus, il y aura les JO juste avant. Ce sera parfait. Aurène, vous restez avec nous. On continue à parler de votre parcours. Et puis, je rappelle que vous serez sur la scène du Festival d'Arc Place Voltaire à Châteauroux à 20h45 tout de suite. On parlait de vos influences musicales. Julia Tarmanet, vous l'aimez? J'adore. Ah, ben, on va l'écouter. C'est pour vous. Qu'importe sur France Bleu Berry. Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, des fêtes, sans foi dans nos têtes, par tous les temps, les vents, tous les cerfs-volants, envoyés, envolés, laissés l'arracher obstinément. La pluie sur mon visage, nos cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur. Tu m'as blessé, lassé, croché, accroché, tu m'as aimé. Qu'importe si tout entre nous s'entame, qu'importe si tout entre nous s'enflamme, qu'importe si tout. Tout le temps qu'il faudra tuer, dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi, passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les chevelures. Extrait de son album Brûler le feu, c'était Julia Tarmanet sur France Bleu Berry. Le Festival d'Arc.

Et France Bleu Berry est en direct du festival Dark qui a ouvert ses portes pour les stagiaires lundi, donc en début de semaine. Et puis pour les concerts, eh bien ce sera ce soir avec, pour essuyer les plâtres, on va dire ça comme ça, Aurène qui est avec moi depuis 5 à 10 minutes. Aurène qui est une chanteuse qui a débuté il y a une dizaine d'années. Elle est d'origine lyonnaise. Elle vit en Savoie, on va tout savoir. On a parlé de ses deux albums. Il y a un troisième album qui est sorti au cœur de l'hiver, qui s'intitule Il s'est passé quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Aurène? On veut tout savoir. Ben oui, en fait, j'ai écrit cet album pendant le confinement et c'est la première fois que j'écrivais sans objectif. Donc en fait, ma plume s'est vraiment libérée parce que en fait, j'écrivais pour le plaisir ou pour l'exercice ou pour le jeu. Et finalement, ces textes sont devenus de la matière à chanson et je me suis vraiment autorisée à tout dire. Et j'ai écrit aussi pour la première fois en étant en colère et je me suis autorisée à laisser cette colère dans l'album. Donc voilà, il s'est vraiment passé quelque chose, autant sur le point de vue personnel que la période dans laquelle on était. Ouais, quoi. C'est voilà. Clair. Et on va écouter justement ce que ça donne. Au bord du lit de la folie, mon corps se tord à l'infini. Au bord du lit de la folie, mais il y a l'aurore au bout de la nuit. M'enivre d'apnée, de félini, de souffle coupé, de souvenirs asthmatiques. Aurène, au bord de la nuit, extrait donc de ce troisième album, Il s'est passé quelque chose. En quoi c'est différent la couleur de cet album? On entend de l'électro qu'il n'y avait pas avant. Bien sûr, c'est vrai que, bien évidemment, j'ai fait mon deuxième album avec les dieux de la folk musique. Ouais. Et quand j'ai réfléchi, parce qu'on réfléchit toujours sur là où on a envie d'aller musicalement, je me suis dit, ben, je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait. Et en moins bien, parce que j'avais atteint le Graal. Donc je me suis dit, ben, où est-ce que j'ai envie d'aller? Et j'ai eu envie, comme je vous le disais tout à l'heure, de remettre les doigts dans des claviers, mais pas dans le piano classique. D'accord. Dans les claviers. Et c'est comme ça que l'électronique est arrivée. Alors vous écrivez, vous composez seul? Vous avez des compagnons de musique? Exactement, j'ai des compagnons de musique, parce que pour moi la musique c'est le partage. Le partage absolu, c'est celui avec le public. Mais moi ce que j'aime aussi, c'est partager pendant la création. Et donc j'ai deux acolytes, Romain qui sera avec moi sur scène, Romain Gallo, et Nicolas Dufournet qui est le réalisateur de cet album. Alors vous parliez de partage, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi, puisque vous vous investissez beaucoup auprès des jeunes, oui. Des enfants. Vous avez notamment, vous chantez au CHU de Grenoble, vous animez des ateliers dans des écoles aussi. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, vraiment, et c'est ce qui donne sens aussi à mon métier, parce que c'est un métier où on est tellement auto-centré, tellement dans l'image et tout ça, qu'à un moment donné, en fait, la musique, c'est aussi une thérapie et c'est aussi donner du bonheur aux gens. Et ce que j'aime dans ces actions culturelles, c'est d'amener la musique là où elle n'est pas forcément accessible. Et que je vais chanter pour les enfants malades, et notamment, là, c'était beaucoup d'adolescentes qui étaient soit anorexiques, soit parfois atteintes de maladies incurables. Et ben là, on a l'impression encore plus d'être utile, quoi. Et c'était vraiment une mission qui m'a rempli le cœur et qui, je pense, les a remplis aussi, et c'était super. Alors, Aurène, je l'ai dit, vous êtes d'origine lyonnaise, vous vivez en Savoie, on va faire un petit match régional. Pâté berrichon ou saucisson de Lyon? Saucisson de Lyon. Ok, d'accord. Fromage de chèvre ou reblochon? Reblochon. Ah, mais non. Montagne ou campagne? Ah, voilà, non. Ouais, campagne, non, j'aime trop la neige. Ah, Montagne, pardon, j'aime trop la neige, oui. Chamonix ou Châteauroux? Bah, Châteauroux. Ah, c'est bien. Ah ouais. On est sauvés. Là, pour le festival, ça détrône tout le monde. Bon, bah, parfait. Très bonne réponse. Vous avez évoqué le Québec tout à l'heure. Vous vous envolez là demain? Oui, demain. Je pars pour une dizaine de jours à chanter là-bas à Granby et au festival de Petite Vallée. Super. Ouais. Belle expérience. Oui. En attendant, il va falloir se préparer. Oui. Je vais aller me faire toute belle. Vous l'êtes déjà, Aurène, je vous rassure. Vous allez chanter à partir de 20h45 sur la scène de la place Voltaire à Châteauroux. Kourou pour le Festival d'Arcan, première partie de Kenji Girac. Merci Aurène. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous sur France Bleu Berry. Merci. Et puis on va écouter dans quelques instants UB40. Et puis tout de suite, c'est Harry Styles avec As It Was sur France Bleu Berry. Sur France Bleu Berry, c'était Harry Styles. 18h42 sur France Bleu Berry, nous sommes en direct de la place Voltaire à Châteauroux pour le Festival d'Arc. On a parlé tout à l'heure avec Aurène qui est partie se préparer car elle va chanter à 20h45 sur la scène de la place Voltaire à Châteauroux en première partie de Kenji Girac. On a parlé aussi avec Eric Bellet, bien sûr, directeur du Festival d'Arc. À mes côtés, trois personnes. Le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, bonjour. Bonjour. Ah, il était bien le bonjour, parce que faut vous expliquer, Gilles Averrousse a une extinction de voix. On va tenter de parler quand même, mais le bonjour était pas mal. Anne-Laure Baudin de Châteauroux Events, bonjour. Bonjour. Et Christine Daguec, vous êtes adjointe donc à la mairie de Châteauroux, vous êtes chargée de l'événementiel. Bonjour. Voilà, donc j'ai tout bon jusque-là. Alors, le Festival d'Arc, ça existe depuis 48 ans. Vous n'étiez pas là, Gilles Averrousse, vous non plus, hein, Christine, vous non plus, Anne-Laure. C'est a priori quelque chose de bien rodé, mais j'imagine qu'il y a quand même des angoisses. Quelles sont les angoisses qu'on a quand il y a un tel festival qui rassemble plus de 600 stagiaires et de nombreux spectateurs qui arrivent comme ça en masse à Châteauroux? Alors c'est bien rodé, mais chaque année il y a des choses nouvelles qui se rajoutent, donc il y a toujours cette angoisse de la nouveauté. Et ce qui nous inquiète toujours, c'est le temps, parce qu'il faut qu'il fasse beau quand même. Les spectacles, on sait que si le soleil est là, les gens seront là plus présents fortement. Et puis toujours l'angoisse qu'il y ait un petit accident ou quelque chose. Mais l'organisation est tellement professionnelle autour d'Éric Bellet avec l'ensemble de ses bénévoles que la partie stage et la partie concert, festival se passent toujours admirablement bien. Exactement. Puis Éric Bellet l'a dit, de toute façon, dès que le Festival d'Arc commence, il fait beau. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça s'est avéré encore cette année. Le Festival d'Arc, on l'a dit, accueille de nombreux stagiaires, hein, plus de 600 qui vont découvrir plusieurs disciplines de danse. C'est plusieurs de personnes à loger, à nourrir, puisque quand ils payent le prix du stage, bien sûr, ils sont logés et nourris aussi. Alors, ça dépend, ils ont aussi le choix de choisir leur logement. Quelle est la participation de la mairie de Châteauroux dans cette organisation? La mairie de Châteauroux est une organisation logistique, hein, s'occupe souvent de la logistique, si bien que les stagiaires sont nourris par la mairie, peuvent être nourris par la mairie, puisque c'est la restauration de la mairie qui accueille, qui assure les repas, hein, pour ceux qui le veulent, oui. Bien sûr. Hein. Mm-hmm. Chacun fait comme il veut. Et puis pour ce qui est de l'hébergement, ouais. Pour ce qui est de l'hébergement, eh bien, plusieurs solutions dans des lycées, dans le lycée professionnel, ou bien à l'hôtel, ou bien des chambres d'hôtes. Toutes les possibilités sont au camping, au lycée agricole. Au camping, au lycée agricole. Oui, je traduis les paroles de Gilles Averrousse, qui a une extinction de voix, donc je vous le rappelle. Le festival d'Arc, donc c'est aussi bien sûr. Donc ça c'est la préparation un petit peu en amont, mais voilà, ça va être 13 jours de stage, ça va être de nombreux spectateurs qui vont arriver. Est-ce que vous recrutez spécialement pour le Festival d'Arc? Alors, forcément, il y a toute une logistique qui est en place, mais là, c'est plus toi qui peux dire si... Toi, c'est Eric Beller. Vous recrutez pour Eric Beller, pour si on recrute des personnes autour pour... Pour la sécurité. Pour la sécurité, c'est évidemment la mairie qui recrute. C'est ce à quoi je pensais. Voilà, exactement. D'accord. Tout ce qui est sécurité, évidemment, c'est mais la mairie. Vous faites avec les forces en présence ou vous recrutez en plus? Non, je pense que... Alors, sur les services techniques, effectivement, il y a un support supplémentaire de certains agents au moment, effectivement, du montage. Imaginez que le montage commence quasiment un mois avant le début et l'arrivée en fait des festivaliers. Donc c'est une longue préparation. Même si les équipes sont rodées, c'est vrai qu'on essaye toujours de s'améliorer, de faire de mieux en mieux chaque année. Donc de trouver aussi des solutions nouvelles. Donc voilà, on essaye aussi au niveau des équipes de faire mieux. Alors le festival d'Arc, c'est un festival avant tout de danse. Quel est votre niveau à tous les trois en danse? Débutant dans toutes les danses. Débutant dans toutes les danses. Même le slow, non, le slow quand même. Le slow, j'y arrive. Bon, d'accord. Anne-Laure, pareil, très très débutante. D'accord, Christine. Débutante. D'accord. Bien que j'ai fort, on faisait, comme je suis un peu plus âgé qu'eux, on faisait un peu de rock. Très très bien. Attention, hein, la perche est lancée, le rock pour Christine. Vous êtes allé voir un petit peu les stagiaires à Belle-Île, hein, oui. S'entraîner? Oui, nous sommes allés. Avec monsieur le maire, nous sommes allés au début du stage pour voir tous ces jeunes, ouais. Mais moins jeunes aussi. Oui. Et c'est ça ce qui est enthousiasmant, parce qu'on a tous les âges. Ouais, et ça, je trouve ça merveilleux. Et tout le monde se mêle avec une sérénité, une gentillesse, une bonhomie formidable. Et puis les professeurs, qui sont aussi différents les uns que les autres, mais qui ont l'air tellement sympathiques. Le Festival d'Arc, donc c'est 13 jours hein, pour la ville de Châteauroux hein, qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien avec Eric Bellet, bien sûr, directeur du Festival d'Arc. Restez avec nous encore hein, tous les trois, Gilles Averrousse, Anne-Laure Baudin et Christine Daguet. On va continuer à parler de ce Festival d'Arc. Ça va ? France Bleu craque pour la musique en live. Ce samedi, France Bleu vous offre un France Bleu live à la montagne. Jérémy Frérot, enregistré au France Bleu Live Festival des Angles, station de ski des Pyrénées-Orientales. Jérémy Frérot en live sur France Bleu. Ouais, vous êtes chaud, hein. Ce samedi dès 19h. France Bleu, 100% d'émotion. Le département de l'Indre et le Festival d'Arc vous invitent à 8 concerts gratuits près de chez vous. Un programme éclectique à retrouver du 9 au 16 août dans 8 communes indriennes. D'Arc au pays avec le département de l'Indre. C'est le bordel, c'est la vie. Et demain soir, jeudi 10 à 18h30 à Valfouzon avec une touche d'optimisme. La vie est si belle. France Bleu, Berry. Plaisir. France Bleu. Voici le groupe anglais multi-ethnique UB40 Red Red Wine sur France Bleu Berry. Makes me forget that I Red Wine, le groupe UB40 sur France Bleu Berry. Du reggae, hein, du reggae d'ailleurs, il en sera question demain avec le chanteur jamaïcain Vanzo en première partie des Franglaises au Festival d'Arc. Et oui, nous sommes en direct du Festival d'Arc Place Voltaire à Châteauroux. Festival qui a débuté lundi pour les stagiaires de danse. Hein, plus d'une vingtaine de disciplines, 35 professeurs et chorégraphes, plus de 600 stagiaires. Et puis des concerts qui vont débuter ce soir avec Aurène, chanteuse lyonnaise, qui fera la première partie de Kenji Girac. Ce sera donc ce soir Place Voltaire à Châteauroux. Gilles Averousse, maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole à mes côtés, Anne-Laure Baudin de Châteauroux Events, Christine Daguet qui est adjointe au maire de Châteauroux, hein, donc qui s'occupe de l'événementiel. Gilles Averousse, vous êtes également un président depuis peu, président des Villes de France. Quel est votre rôle? Alors, le rôle, c'est d'être le porte-parole, même si ce soir, j'ai pas beaucoup de voix. Mais... oui, vous avez une extension de voix, hein, je le rappelle. Exactement. D'être le porte-parole des maires des villes de 10 000 à 100 000 habitants, qui ont des particularités assez identiques, c'est-à-dire des villes qui ont souffert de désindustrialisation, de perte d'attractivité de leur centre-ville, pour porter avec le gouvernement des politiques co-construites pour ramener de l'activité dans les centres-villes, pour ramener de l'industrie dans le territoire, pour recréer de l'emploi et recréer du dynamisme au bénéfice de ces villes-là et de l'ensemble des communes qui les entourent et de la ruralité, puisqu'on sait que quand les villes moyennes se portent bien par capillarité, la ruralité se porte bien aussi. Exactement. Alors le Festival d'Arc à Châteauroux, c'est 13 jours, hein, là, du 7 au 19 août. C'est une grosse organisation, mais ça fait 48 ans que ça existe, donc c'est vrai que c'est une machine qui est quand même bien rodée. Mais il y a une grosse échéance pour vous aussi l'année prochaine, c'est les JO 2024. Exactement, et une grande fierté qui était celle de pouvoir faire valider le fait qu'on ait bien le Festival d'Arc l'année prochaine entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. C'est pas quelque chose de gagné d'avance, puisque les consignes qui ont été données, c'était de pouvoir soulager les forces de l'ordre, les forces de police, et donc de les libérer des différents festivals. Et donc on a eu, grâce vraiment à l'engagement fort, à l'implication forte d'Éric Bellet, au soutien du préfet de l'Indre, la confirmation qu'on pourrait bien avoir l'année prochaine la 49e édition du stage festival d'Arc entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc ça va bouger l'année prochaine. Exactement. Effectivement. Gilles Averousse, quel est votre endroit préféré à Châteauroux? C'est clairement le stage. C'est d'aller, c'est Belle-Île, c'est d'aller voir ces jeunes et moins jeunes, comme le disait Christine tout à l'heure, qui s'entraînent du matin au soir, qui comptent pas leur énergie, qui passent du temps avec le sourire malgré la souffrance, mais qui prennent beaucoup de plaisir à exercer, à s'exercer, à se perfectionner, et voir leurs professeurs qui aussi par ricochet sont contents. Anne-Laure, Christine aussi, même endroit ou un autre endroit à Châteauroux? Les bureaux de Châteauroux Even sont presque au cœur du stage. Oui, nous, on vibre aussi au rythme des claquettes. Hein, donc je pourrais presque faire la choré, je pense, à la fin du stage. Non, c'est très agréable. C'est vrai qu'on est en musique sur 13 jours, donc c'est très sympa. Bon, on vous verra sur scène le 19 août avec les autres stagiaires. Peut-être pas prendre cet engagement-là aujourd'hui, mais ça pourrait se tenter. Pourquoi pas? Effectivement, le Festival d'Arc, donc c'est jusqu'au 19 août avec bien sûr les stagiaires à Belle-Île qui est aussi un très bel endroit à découvrir en toute saison à Châteauroux, un magnifique étang, magnifique promenade, on peut faire son jogging, on peut tout y faire, les enfants ont aussi un endroit pour jouer. Et puis les concerts donc de ce Festival d'Arc qui vont débuter ce soir à 20h45 avec Aurène et Kenji Girac. Merci Gilles Averousse, maire de Châteauroux, d'avoir été avec nous. Merci Anne-Laure Baudin. Merci Christine Daguet. Merci. Bon beaucoup. Festival à vous trois. Merci. Et on écoute Zaoui tout de suite, toute la France sur France Bleu Berry. Dans un rêve, c'est tout déjà, toute la. Pardonne-moi, j'ai pu être vulgaire, un peu terre à terre. C'est sûr de moi, tu aimais ça, j'ai joué le gangster pour te plaire. Si loin de toi, je m'ennuie déjà, je ferai tout pour qu'on se serre. Regarde-moi, les yeux dans les yeux, suis-je assez classe pour un coup de cœur? Je suis si bien si la foule danse, le son des basses pour seule romance. Besoin de flash, besoin de wow, besoin de strass et de lumière. Dans un rêve si tout déjà, toute la France est folle de moi. Je lui murmure, je ne suis rien sans toi. Elle s'endort, câline dans mes bras. Dans un délire qui ne se refuse pas, toute la France est dans mes draps. Je lui susurre quelques sons à moi. Elle rougit, regarde caméra. Retrouve-moi, la tête en vrac, mon cœur revenu de l'enfer.